L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 3 avril prochain, au Zénith de Nancy, Arthur Ellie monte sur scène en première partie de Vanessa Paradis. Auteur, compositeur, interprète, poète, il vient de sortir Saignant, son deuxième album, c'était en octobre dernier. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Arthur Ellie, bonjour. Bonjour. De multiples influences dans votre musique et écriture, de la guitare et la plume de Brassens à la musique bossa nova, de la poésie de Souchon au phrasé du rap. Pour commencer, comment vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore ? Eh ben, je me présenterai avec mon nom déjà, Arthur Ellie, et j'espère qu'il aime, aime les mots et les gens bavards, parce que je suis très bavard et dans mes chansons, je raconte tout un tas de choses. Plus chanteur que poète ou plus poète que chanteur ? Je pense que je fais vraiment plus aucune différence entre les deux. Le fait de m'être mis à écrire de la poésie il y a 3 ans maintenant, le fait d'en écrire sérieusement et d'en publier, ça a vraiment transformé aussi ma façon de chanter et ma façon d'écrire des chansons. Ouais, je fais pas de séparation entre les deux. Vous avez sorti en octobre dernier Saignant, c'est ce titre d'ailleurs qui ouvre l'album, une référence saignante aussi qu'on retrouve dans plusieurs de vos titres. Comment s'est fait ce choix ? Eh ben, il s'est fait de façon mystérieuse, mais d'abord j'aimais bien l'idée de parler de la poésie comme d'une langue saignante, au sens une langue un peu radicale, vivante aussi, à l'inverse de par exemple, des mots un peu trop cuits ou recuits qu'on utilise dans la vie de tous les jours, quoi. On fonctionne tous comme ça, à utiliser des mots qu'on entend. Quand j'entends quelqu'un d'intelligent parler, après j'ai envie de recopier ces mots, de les utiliser tout préparé. Et donc pour moi, écrire de la poésie ou essayer d'en faire, c'est vraiment casser ça et trouver une langue qui est au plus proche de ce qu'on ressent, quoi, tous les jours, qui peut prendre tout un tas de formes diverses et bizarres selon ce qui nous arrive et selon qui on est. Donc j'aimais bien, voilà, déjà cette idée d'une langue saignante. Et après, c'est aussi le sang, c'est super comme chose en fait. C'est grâce au sang qu'on vit, quoi. Quand on n'a pas de sang, et ben il nous arrive pas grand chose, on peut pas vivre des super moments. Et donc c'est aussi cette idée de du sang qui circule dans notre corps et qui continue de couler. Et j'associe ça aussi à la résilience, parce que c'est un album qui parle pas mal de comment on se reconstruit après des ruptures, après des deuils. Et donc pour moi, le sang qui circule en nous, c'est ça aussi. Et beaucoup d'univers musicaux, de styles musicaux que vous abordez dans vos chansons, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu de bossa nova. Ouais, j'ai écouté beaucoup de musique brésilienne l'année dernière et en même temps que la compo de l'album, notamment un guitariste qui s'appelle Baden Powell. J'ai découvert le super documentaire Sarava de Pierre Barou, qui est un musicien français qui a filmé des guitaristes et des chanteuses et chanteurs dans les années 70 là-bas, et j'ai pris une énorme claque musicale. Donc ça m'a accompagné tout l'album. Et ça s'est, bon, voilà, ça s'est retrouvé un peu sans que je le veuille, ça s'est retrouvé naturellement dans les chansons. Ça me plaisait aussi, en fait, les parties des guitares bossa rythmiquement permettent tout un tas de choses. Et quand j'essayais de mettre mon phrasé et de dire mes textes dessus, ça permettait des ruptures et tout qui m'intéressent. Donc c'était la bonne forme, c'était une forme qui m'allait, quoi. J'ai de beaux regards pour toi, le soleil se couche, tu le gardes pour toi. On a la vie devant nous, les idées inquiètent aussi. C'est pas le paradis, c'est les pieds sur terre. On va avoir l'occasion de vous découvrir sur scène à l'occasion du passage de Vanessa Paradis. Vous allez faire sa première partie. Comment ça s'est fait, cette opportunité ? Eh ben, j'ai appris ça la semaine dernière, en fait. C'est une nouvelle toute saignante, justement, toute fraîche. Mon producteur des spectacles, je crois, lui a fait écouter plusieurs choses, dont mon album. Et de ce que j'ai compris, je l'ai pas encore rencontré, là, mais de ce que j'ai compris, je crois qu'elle a eu un coup de cœur pour mon album. Et en fait, elle m'a proposé vraiment tout plein de premières parties. J'en fais presque 10 des Zéniths avec elle, là, le mois prochain et au mois de mai. Donc voilà, ça s'est passé que j'ai reçu un appel et on m'a dit ça et j'ai sauté. Dans ma chambre. Et donc je suis trop content. Et la première, c'est dans pas longtemps là. Et on va en faire plein. On va en plus être dans le bus avec leur équipe et tout. Donc ça, j'ai hâte. Il y a quelques années, vous repreniez un titre de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Oui. Si vous deviez reprendre un titre de Vanessa Paradis aujourd'hui, il y en a un qui... Eh ben, j'ai beaucoup aimé le morceau qui a donné son titre à l'album qu'elle vient de sortir. J'ai beaucoup aimé cette chanson, je crois qu'elle a été co-composée avec Etienne Dao. Et sinon, moi j'ai été vraiment bercé dans mon enfance. Il y avait l'album qui passait en boucle dans la voiture, l'album du film, la bande-son, la scène, la chanson avec M. Donc ça, c'est une chanson que j'ai vraiment dans la peau depuis que je suis tout petit, donc je pense que ça me ferait plaisir de reprendre ça aussi. Donc là, vous serez en première partie de, le 3 avril. J'ai vu aussi que vous serez là, l'autre canal, en fin d'année. Oui, c'est ça, en novembre, je ne dis pas de conneries. Oui, ce sera le 4 novembre. Et là, le 27 mars, là, pour une actualité encore plus proche, vous allez sortir un nouveau titre au commencement. Ça annonce déjà un nouvel album ? Alors là, non, au commencement, même si ça s'appelle Au commencement, ça s'ajoute à l'album qui existe déjà. On va sortir un vinyle au printemps, là, et je voulais ajouter deux morceaux, dont celui-là que je joue déjà sur scène depuis quelques semaines, quelques mois, là. Donc là, c'est encore le cycle de cet album saignant, mais c'est vrai que je suis déjà un peu en train de réfléchir à la suite, parce qu'on a eu plein de bons retours, la tournée se passe super bien, il y a de plus en plus de propositions. Donc si j'arrive à trouver le temps entre les dates, là je m'organise déjà un peu ça pour l'été, j'aimerais bien ne pas trop attendre avant de sortir d'autres morceaux et rester un peu sur cette dynamique et le fait que en ce moment je me nourris de plein de choses, que je rencontre plein de gens, j'ai envie de sortir des morceaux un peu rapidement là, ouais, après l'album. Eh bien, on va suivre bien sûr de près votre actualité. Déjà, ben, cette première partie le 3 avril. Le 4 novembre, ce sera à l'autre canal. Une date à Strasbourg peut-être pour revenir sur vos terres ? J'attends que ça, là. J'ai trop envie de jouer à Strasbourg. Et pour l'instant, ma boucleuse, je crois, est en discussion avec différents endroits. Mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. Je sais pas quand ça va arriver, mais j'attends que ça. Je suis trop chaud. Qu'est-ce qu'on vous souhaite là pour cette aventure des Zéniths, de cette tournée avec Vanessa Paradis ? Eh ben, on me souhaite du bonheur chaque minute. Tout le bonheur du monde. Mais je sais pas encore comment ça va se passer avec le public. Quand on joue comme ça avec le public d'autres artistes, et ben les connexions peuvent être parfois aussi improbables et tout, et donc j'ai hâte de rencontrer les gens et de voir ce qui se passe. Le live, c'est toujours un moment de vérité. Merci à Arthur Elie en première partie de Vanessa Paradis. C'est donc le vendredi 3 avril au Zénith de Nancy, et notez dès maintenant, le 4 novembre, ce sera à l'autre canal à Nancy également. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.